cache pas. Avec une Bible. Ma caméra. C'est ma chair. Je suis en live, mais pas pour les faux. Raiders qu'il connecte des âmes avec ses mots. Je build pas pour les stats, mais pour l'esprit. Chaque stream c'est un feu, je demande pas le crédit. Je veux qu'on me capte, pas qu'on m'adore. Je veux que les vrais se reconnaissent dans mes décors. Et je veux que ça parle dans les rues, dans les halls. Raiders qu'il y joue, mais c'est lui qui console. J'ai pas la recette, du buzz ni les codes. Mais j'ai des nuits en feu, des viewers qui rôdent. J'ai pas d'équipe, j'ai mon instinct. J'ai pas de script, j'ai le divin. Pas de masque, pas de déguisement. Juste Reader Skill brut en plein écran. Et si je pète pas les scores, je m'en fous. Ce que je vis, c'est qu'un cœur se rallume chez vous. Raise your mind. C'est pas du chant. Ma foi, c'est du gameplay sincère. Et chaque ligne, c'est moi que tu regardes. C'est ma chère.